dans l'émission anti-stress. 88.9 MHz, la radio qui va là où les autres ne vont pas. Oupé, gardez-moi à côté, car ça pas cachouillé, travaillant c'est mal parlé. Pour diminuer, au tini moins assigné, passe au cap en bon fait, ou pas vivre moins n'y a rien. On savent ça bien. Jalousie qu'a parlé, à tout moment. Jalousie qu'a tout fait. Mais oui, c'est qu'on s'amitié. Ou péqué, péjant changé. Jalousie qu'a tout fait. Ouvrez-moi vos belles bracelets, ou dit trait un pays. Ouvrez-moi vos belles compris, ou dit y mal coupé. Ouvrez-moi vos belles gamines, ou dit c'est un vermine. C'est rien qui moins ou qu'à veiller. Poupée blaguée, jalousie capalée, à tout moment. C'est vrai, pour avoir. C'est qu'on s'amitié. Au péqué, péjant changé. Jalousie qu'a tout fait. Méprisé pour avoir. C'est piquant des fois. Moi, j'ai acheté un petit voiture. Audi pour 11 ans, les qui fangent la yadan. En qui content, c'est blagué ou qu'a blagué. A pas ou qu'a décidé. En qui faire monter des sons. Juste en qui tonne. Jalousie qu'a fait. Ou pédili. Jalousie qu'a fait. À tout moment. Ou péqué pé changer missier. Jalousie qu'a tout fait, méprisé pour avoir, c'est plus grand des fois. Si vous partez connaître gragé yon coco, moi dès que j'ai quitté un petit dodo. Si vous partez connaître les léons chaudos, moi dès que j'ai quitté un petit. Si ou pas tes cabans moins bon caresse, moi t'es que j'ai quitté un petit doudou. Si ou pas tes cabans moins bon tendresse, moi t'es que j'ai quitté un petit doudou. Moi t'es métis sur sa paloudaoula, et puis t'y caresse à ma cacaoula. Moi aimé confiti patataoula. Si l'on est à tes cabans qui aoula. Si ou pas tes connaître gragillon coco, moi t'es que j'ai quitté un petit doudou. Si ou pas tes connaître l'idéon choudou. Si ou pas tes cabans moins bon caresse, si ou pas tes cabans moins bon tendresse, moi aimé qui sont sa paloudaoula, et puis tu caresses à ma cacaoula, moi aimé confiti patataoula, si l'odeur t'y canariaoula. gâteau. Anti-stress. 88.9 MHz, la radio qui va là où les autres ne vont pas. Alors, ça m'a été garé là et puis mieux pas m'en contraire. personne pour une raison. Comment pas ça? C'est la police. C'est la police, voilà. Voilà, c'est la police. Monsieur, vous êtes qui? Vous verbalisez pourquoi, monsieur? Parce que je suis policier. Parce que vous n'avez pas payé le local. Bon, les bibatis, gabachés, bâchés, à la descente, descente. Bon, que bon, gueule. Vous voulez m'en voir, vous m'en voir, vous m'en voir, vous m'en voir. La police est ici. La police est ici. La police est ici. La police est ici. La police est ici. La police est ici. Priez maman, priez papa. Priez maman, priez papa. Priez maman. Courage, ou même Anti-stress.